Comment vivre dans l'instant présent? Vivre dans l'instant présent est une pratique essentielle pour s'épanouir spirituellement et profiter pleinement de la vie. Voici quelques astuces pour y parvenir. Prenez conscience de votre respiration, prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration et ressentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Soyez attentif à votre corps, sentez votre corps, observez les sensations qu'il génère, soyez attentif à votre posture et détendez-vous. Écoutez vos pensées, ne jugez pas vos pensées, laissez-les venir et partir sans vous y accrocher. Prenez simplement conscience de leur existence. Soyez présent dans chaque action que vous entreprenez, prenez le temps d'apprécier chaque moment, chaque tâche, chaque rencontre et chaque conversation. Évitez de vous projeter dans le futur ou de vous accrocher au passé, restez concentré sur le moment présent et profitez-en pleinement. Pratiquez la méditation. La méditation est un excellent moyen de se connecter à l'instant présent et de calmer son esprit. Faites des pauses régulières pour vous ressourcer, prenez des moments de détente pour vous recentrer sur vous-même et vous reconnecter à l'instant présent. En pratiquant régulièrement ces astuces, vous pourrez apprendre à vivre dans l'instant présent et à profiter pleinement de chaque moment de votre vie. Exemple de mantra pour se sentir ancré dans l'instant présent en respirant profondément et en fermant les yeux. Om Rim Em Rim Nama. Ce mantra est souvent utilisé pour calmer l'esprit et améliorer la concentration. Il est basé sur les sons Rim et Em, qui sont censés favoriser la clarté mentale et la focalisation de l'esprit. En répétant ce mantra régulièrement pendant la méditation ou tout simplement en le récitant mentalement lorsqu'on a besoin de se concentrer, on peut ressentir une plus grande stabilité et une meilleure capacité à rester concentré sur une tâche donnée et de mieux se sentir ancré dans l'instant présent. Page 2, nous allons voir comment éviter la négativité. Page 2.